Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah. Iqraran bihi wa tawhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc bienvenue à tous, أهلا وسهلا ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات حياكم الله. Donc nous allons poursuivre inshaAllah ta'ala l'explication du livre de la purification de Bulugh al-Maram. Et nous nous sommes arrêtés au hadith 21, et donc à la fin du chapitre des récipients. An Anas ibn Malik, radiallahu anhu, أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أخرجه البخاري. Donc Anas ibn Malik radiallahu anhu rapporte: la coupe du prophète صلى الله عليه وسلم se brisa. Alors il mit à l'endroit de la fêlure un filet en argent. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Dans ce hadith, le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik, le fils de Umm Sulaym, radiallahu anhuma, nous informe qu'un jour, la coupe du prophète sallallahu alayhi wa sallam se brisa. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mit à l'endroit de la fêlure un filet en argent. Et ceci nous montre, ikhwan fillah, qu'il est permis de réparer un récipient cassé en utilisant une petite quantité d'argent. Mais ceci est spécifique à l'argent. Et ici, quelqu'un pourrait se demander: quelle est la preuve que cela est spécifique à l'argent? La réponse: car il n'y a aucune preuve dans le Coran et aussi aucune preuve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam indiquant la permission de réparer un récipient avec une petite quantité d'or. Au contraire de l'argent. Donc il est permis de réparer un récipient avec de l'argent. Mais par contre, il est strictement interdit de réparer un récipient avec de l'or. Car la permission de réparer un récipient avec de l'argent est venue dans la sunna. Au contraire de l'or. Ce n'est ni venu dans le Coran et ni dans la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce hadith, il y a une sunna qui est un peu délaissée à notre époque. Lorsqu'une chose est cassée, ou qu'un habit est déchiré, il convient de le réparer ou de le recoudre si cela est possible. Et ceci, ikhwani fillah, est une sunna. Car lorsque la coupe du prophète sallallahu alayhi wa sallam se brisa, il ne la jeta pas. Il la répara en mettant un filet en argent à l'endroit de la fêlure. Et cette sunna nous rappelle à quel point il y a du gaspillage à notre époque. Certaines personnes, lorsque leur habit est légèrement déchiré, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'empressent d'en racheter d'autres. tout en se débarrassant des habits déchirés. Et ceci est une habitude chez eux. Puis il se retrouve avec une tonne d'habits alors qu'il ne les met, quasiment pas. Et cette sunna est aussi considérée comme un fondement dans l'économie. Cette sunna, c'est-à-dire le fait, lorsqu'il y a quelque chose qui est cassé ou bien un habit qui est déchiré et qu'il y a la possibilité de le recoudre, alors il convient de le recoudre ou de le réparer. Ceci est un fondement dans l'économie, comme l'ont mentionné les savants. Et donc on tire de ce hadith, ikhwan fillah, plusieurs enseignements. Le premier enseignement qu'on tire de ce hadith, la permission de réparer un récipient cassé en utilisant une petite quantité d'argent, si cela est nécessaire. Et ceci est spécifique à l'argent. Il est donc interdit de réparer un récipient avec de l'or. Le deuxième enseignement, la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des prophètes, il buvait dans des récipients, il lui arrivait de boire dans des récipients rapiécés. Et il y a de nombreux hadiths montrant la grande modestie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces hadiths, nous avons le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. D'après Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah l'agré, il dit radiallahu an, j'ai été derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. Et l'éminent savant Ash-Sheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, dans l'explication de ce hadith, il dit, je cite, et ceci montre la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fin de citation. Ceci, ikhwani fillah, car les personnes importantes, en règle générale, ont les plus belles montures et ils y montent seuls. En règle générale, alors que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré son haut rang, il montait sur un âne en compagnie de Mu'adh ibn Jabal. Et l'étudiant en science doit méditer sur ce genre de comportement. Car comme le disent les savants, la science mène à la modestie. L'étudiant en sciences, talibul ilm, doit faire preuve de modestie. Surtout que celui qui fait preuve de modestie, Allah l'élève. Au contraire de celui qui fait preuve d'immodestie, Allah subhanahu wa ta'ala le rabaisse en général. Et malheureusement, aujourd'hui, nous voyons certains de nos frères qui prétendent avoir de la science, qui prétendent avoir étudié auprès des ulama, auprès des chouyours, mais ils ne font pas preuve de modestie. Ils font plutôt preuve d'immodestie flagrante avec leurs frères. Et ceci n'est pas la voie des gens de science, ceci n'est pas la voie des ulama, ce n'est pas la voie des chouyours. Car par Allah, les savants de la sunna font preuve de modestie. Ils ne se sentent pas supérieurs aux autres. Car comme on l'a dit précédemment, la science mène à la modestie. Au Yémen, par exemple, les gens de science avaient une modestie incroyable. Ils donnaient du temps à leurs élèves et les aidaient dans leurs affaires personnelles. Un jour, l'un de nos mashayikh au Yémen appris que beaucoup d'élèves ont été touchés par une nouvelle, une mauvaise nouvelle. Il décida alors de leur donner rendez-vous en bas de chez lui, Et lorsque les élèves ont appris la nouvelle, ils se sont empressés d'aller au rendez-vous donné par le shir. Hafizahullah. Les étudiants étaient très nombreux ce jour-là. Leur nombre, si mes souvenirs sont bons, était entre 40 et 50 élèves. Donc le shir arriva devant chez lui et vit une foule attroupée devant son bâtiment. Il rassura alors les toulab, les élèves, en leur disant que la situation allait s'arranger. Ensuite, il leur dit « Venez, je vous invite chez moi. » Et les élèves se mirent à sourire, car ils étaient très nombreux. Et c'était impossible d'inviter tout ce monde. Et donc les élèves baissèrent leur tête et firent comme s'ils n'avaient rien entendu, en pensant que le cheikh avait seulement dit cette parole par politesse, comme ceci est l'habitude des yéménites. Donc voyant cela, le cheikh réitéra sa demande, mais cette fois-ci avec un peu plus d'entrain, comme on dit. Et les élèves comprirent que le cheikh était très sérieux. Et à ce moment-là, un frère maghrébin prit la parole et dit au cheikh, ne vois-tu pas le grand nombre que nous sommes? Nous ne rentrerons jamais tous chez toi. Mais si tu veux, on s'assoit par terre, et cela est suffisant. Et le cheikh rétorqua à ce frère, non, l'affaire est simple. Laisse-moi juste 5 minutes. Et le cheikh, qu'est-ce qu'il a fait? Il envoya un de ses fils acheter des boissons. Et par la suite, il fit rentrer tous les frères chez lui. Allahu Akbar. Regardez cette modestie. Car ces gens-là, alhamdoulillah, ils ont appris le ilm. Pas comme certaines personnes. Apprendre le ilm pour dire, moi, je fais des cours avec Abu Foulan ou Shir Foulan. Mais plutôt, ils ont appris le ilm pour le mettre en pratique. Et c'est comme ça que le talib al-ilm doit être. Alhamdulillah, tu apprends que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était modeste. Alors tu fais preuve de modestie. Et tu ne te crois pas supérieur aux autres. Tu fais preuve de modestie. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était modeste malgré son haut rang. Et les ulama aussi, ils font preuve de modestie. Et donc toi, si tu te dis suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, les tabi'in, tabi'u tabi'in, et les gens qui les ont suivis jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, les savants, des gens de la, parmi les gens de la sunna, alors tu te dois d'être modeste. Aujourd'hui, certains frères qui sont partis étudier la science, tu ne peux même pas les approcher, wal'iyadhu billah. Tu ne peux même pas leur parler, leur poser une question. Et ceci n'est pas normal. Ceci n'est pas normal. Certains, lorsqu'ils s'adressent à leurs frères, ils les rabaissent par des mauvaises paroles, sous prétexte qu'il n'a pas appris le Coran par cœur, ou sous prétexte qu'il n'a pas de science. Et ceci n'est pas normal. Et ceci montre qu'en vérité, cette science ne lui est pas profitable. Car la science appelle aux œuvres. C'est pour ça que, comme les savants mentionnent, Al-ilmu bila amal, kashajaratin bila thimar. La science, sans mise en pratique, sans œuvre, est comparable à un arbre sans fruits. Le talib al-ilm doit avoir un bon comportement, car c'est lui qui doit montrer l'exemple. Les gens de la masse, lorsqu'ils voient quelqu'un qui est un madhhar sunni, qui a l'apparence des gens de la sunna, qui a étudié chez les savants et chez les gens de science, ils s'attendent à avoir une personne qui a un bon comportement et qui appelle les gens à ce comportement-là. Mais des fois, on voit le contraire. Et ceci n'est pas normal. Et ceci, comme on l'a mentionné précédemment, n'est pas la voie de nos savants. Et avant tout, et avant cela, ce n'est pas la voie des pieux prédécesseurs. Le troisième enseignement qu'on tire de ce hadith, l'intérêt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait à l'économie et au fait de ne pas gaspiller. Donc, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons terminé l'explication du chapitre concernant les récipients. Et donc la semaine prochaine, incha'Allah, nous allons commencer le chapitre intitulé « L'impureté et la manière de s'en purifier ». Et avant de passer à ce chapitre, incha'Allah, nous allons faire une brève révision de certains points vus dans ce chapitre. Le premier point est que la base dans les récipients, c'est qu'ils sont licites et permis. Car ceci fait partie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour nous sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Baqarah, هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. C'est celui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre. Et donc les savants, comme on l'avait mentionné précédemment, ils se sont basés sur ce verset pour dire que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé sur la terre est licite pour nous. Sauf ce qui a été stipulé comme étant interdit dans le Coran et la Sunna. De ce fait, tous les récipients sont licites. Il t'est permis de boire et de manger dans n'importe quel récipient, sauf les récipients qu'Allah et son prophète nous ont interdits. Et les récipients qui nous ont été interdits sont ceux d'or et d'argent. Le deuxième point, c'est que l'interdiction qu'on trouve dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les récipients, d'or et d'argent, cette interdiction montre le caractère illicite de la chose. Il est donc interdit de boire dans des récipients d'or et d'argent, tout comme il est interdit de manger dans des plats d'or et d'argent. Et ceci à l'unanimité des savants. Ensuite, on avait mentionné que les savants ont divergé concernant le sujet suivant. Est-ce que ces interdictions sont générales ou bien est-ce qu'elles sont particulières? C'est-à-dire, est-ce que les interdictions sont générales, c'est-à-dire elles englobent le fait de manger et de boire, comme c'est stipulé dans les hadith que nous avons vu, ou bien c'est encore plus vaste que cela? Est-ce que ça englobe par exemple le fait de faire ses ablutions ou d'autres choses? C'est-à-dire, est-ce que ça interdit toutes les utilisations? Ou est-ce que c'est juste spécifique au fait de manger et de boire? Donc ça, on avait mentionné que les savants ont divergé en deux avis. Le premier avis et que l'interdiction d'utiliser des récipients d'or et d'argent concerne uniquement le fait de manger et boire. Car c'est ce qui est venu dans les ahadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc selon eux, il est permis d'utiliser un récipient d'argent pour faire les ablutions, ou bien pour stocker des liquides ou autres. Et l'argument de ces savants est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le meilleur conseiller est le plus savant. Et donc, si l'utilisation des récipients d'or et d'argent dans un autre but que manger et boire aurait été interdit, il l'aurait démontré clairement. Et aussi, il se base sur l'histoire de Hudhayfa ibn al-Yaman. Lorsqu'on lui a servi à boire dans un récipient d'argent et qu'il a dit « Je vous informe que je lui ai déjà ordonné de ne pas me servir dans ce récipient. » Et donc ils ont dit que ceci indique que Hudhayfa, radiallahu anhu, possédait ce récipient, mais qu'il ne l'utilisait pas pour manger et boire. Et ils disent aussi qu'il ne convient pas de faire une généralité dans une chose, alors que les textes sont venus interdire une chose en particulier. Donc qui est ici l'interdiction de boire et manger dans les récipients d'or et d'argent. Donc ça c'est concernant le premier avis. Ensuite le deuxième avis est que toute utilisation des récipients d'or et d'argent est interdite. Toute utilisation de récipients d'or et d'argent est interdite. Et leur argument dans cela est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le fait de manger et boire, car en général, les gens utilisent ces récipients à cet effet. Et donc, l'interdiction n'est pas spécifique, mais elle est plutôt générale. D'accord ? Donc ça, c'est les deux avis que les savants mentionnent concernant donc, ce sujet. Mais on avait mentionné que le mieux pour le musulman, c'est de sortir, d'accord, et de s'écarter de la divergence. Donc le mieux, ici, c'est de ne pas utiliser les récipients d'or ou les récipients d'argent. D'accord ? Que ce soit pour manger, pour boire ou même pour faire ses ablutions ou à d'autres effets. Et ça, c'est le mieux pour le musulman. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Le quatrième point aussi que nous allons réviser, c'est l'interdiction de manger et de boire dans les récipients d'or et d'argent. On a dit que ce soit un récipient qui est de petite taille ou de grande taille. On a dit aussi que ce soit un récipient qui contient de l'argent et une autre matière, comme du bois ou du métal. Et aussi, le fait de peindre, d'accord ? Le fait de manger et de boire dans des récipients qui sont peints en or ou en argent. Pareil, ceci est interdit. Donc que le récipient soit de petite taille ou de grande taille, c'est interdit. Que le récipient soit peint d'or ou d'argent, peint couleur or ou peint couleur argent, ceci est interdit. Donc ça, c'est certains points qu'on a vus précédemment. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons commencer le chapitre intitulé « L'impureté et la manière de s'en purifier ». Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.